Moi, je te parle d'un phénomène qui est nouveau, qui est celui de la délinquance ordinaire qui en réalité ne l'est pas, et qui est un phénomène nouveau qui pour moi est lié au multiculturalisme.